cours numéro 3. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alameen, assalatu wassalam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. ماذا أخذنا في درسنا الأخير في تفسير سورة الفاتحة تفضل هل هي سورة مكية أو مدينة نعم هل هي سورة مكية أو مدنية الصواب هل هي سورة مكية لأن يعني هذه سورة ركن من الصلاة نعم صلاة الظهر فرض صلاة من مكة في مكة أحسنت أن هذه السورة سورة الفاتحة ركن من أركان الصلاة سان بيليي دو لا صلاة والله سبحانه وتعالى إلى روندو أوبليغاتوار الصلاة في مكة لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة رضي الله عنهم إفاز الصلاة غسيت الفاتحة على تغيبلي في مكة كذلك وانا سيدي ان اوتر دليل في هذا تفضل ان الله نزل سورة الحج في في مكة وفيه وفيه قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم احسنت أن سورة الحجر مكية بالاتفاق سورة الحجر الله سبحانه وتعالى إلا غيبلي مكة بالاتفاق وفيها قوله عز وجل ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم وهذا لا شك أن السبع المثاني الفاتحة فسي سورة الحجر لمكية فمن باب أولى الفاتحة لأن دان سورة الحجر سمنسيوني سورة الفاتحة هذا دونك على مكية والله أعلم كذلك أخذنا ماذا كيس كنا في دون نتخل درس فرسيدان تفضل أن من أسماء هذه السورة الفاتحة parmi les noms de cette سورة الفاتحة كذلك أم القرآن كذلك السبع المثاني كما في سورة الحجر هنا سيتي لفيرس نعم فهذا ما أخذناه في الدرس السابق باختصار c'est ce qu'on a vu dans notre درس précédent en résumé قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم سيأتي معنا إن شاء الله تعالى من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه هل البسملة آية من الفاتحة أو لا est-ce que ce verset Bismillah ar-Rahman ar-Rahim c'est un verset de Sourate al-Fatiha amla ou c'est un verset à part وهذا on le verra inshallah قال الجار والمجرور متعلق بمحذوف تنبيه avant de lire هذه المسائل أن الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه il va citer des مسائل لغوية des points qui sont liés à la grammaire au nahou وكثير من الإخوان ils ont pas étudié cette matière فنقرأ on lit sans détailler voilà bah on explique certains points وإلا l'essentiel c'est de comprendre le sens هنا لكن تستفيد من هذا أن pour comprendre le sens que ce soit le Coran الكريم ou l'Ahadith النبوية لابد من هذه اللغة il y a des points de grammaire qui vont te faciliter comme on va voir هنا الجار والمجرور كذلك il y a des choses si tu les maîtrises هنا ça va te faciliter bien sûr la compréhension et كذلك la récitation ne pas faire d'erreur اللحن comme il appelle أهل العلم tout ça c'est lié à la langue arabe وشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في كتبه يعتني بذلك كثيرا Il a expliqué des livres في النحو أو في البلاغة رحمة الله عليه que ce soit الألفية أو الأجرومية أو autre et كذلك في شروحاته que ce soit تفسير الفاتحة أو كتاب التوحيد أو الواسطية يعتني رحمة الله عليه بهذا الباب باب اللغة souvent il explique la partie du livre une phrase ou un mot avec des points fil nahou. Et ça, c'est très très important pour talib al-ilm de faire des efforts fil hadha al-bab. قال الجار والمجرور متعلق بمحذوف الجار والمجرور بسم الله حرف الباء c'est من حروف الجر واسم c'est un اسم هنا فبسم جار ومجرور متعلق بمحذوف وهذا المحذوف يقدر فعلا متأخرا مناسبا الجار والمجرور il est متعلق بمحذوف أي Pour simplifier, Anna, si tu dis Bismillahir Rahmanir Rahim, c'est qu'il y a une action. Laquelle elle n'est pas citée, Huna. Enfin, ça dépendra de ton intention. Mathalan, si tu veux manger, tu dis Bismillah. L'action que tu vas faire, c'est manger. Donc, tu manges Bismillah. Tu écris Bismillah. Tu te lèves Bismillah. قال وهذا المحذوف يقدر فعلا متأخرا مناسبا فإذا قلت بسم الله وأنت تريد أن تأكل تقدر الفعل بسم الله أكل هذا tu le prononces pas في الحقيقة quand tu dis بسم الله et que tu veux manger ou tu veux lire le Coran tu dis بسم الله الرحمن الرحيم dans ton intention tu dis بسم الله parce que tu vas faire telle chose c'est pour ça que Cheikh Al-Uthaymeen قال متعلق بمحذوف محذوف c'est quelque chose qui n'est pas cité et هنا c'est un فعل c'est un verbe et il est cité après Bismillah ar-Rahman ar-Rahim akul wa al-Sheikh rahimahullah il va citer des fawaïd pourquoi al-ulama il le qadra après et pourquoi un fi'l huna rubama anta al-an tu vas pas comprendre l'importance de هذا الكلام لان celui qui a pas étudié le nahw c'est normal lakin mithla hadhihi al-fawaïd elles sont muhimmes qala qulna إنه يجب أن يكون متعلقا بمحذوف لأن الجار والمجرور معمولان ولا بد لكل معمول من عامل وقدرناه متأخرا لفائدتين. On répète le تقدير بسم الله آكل أو هنا بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ أي بسم الله et l'intention pourquoi tu dis بسم الله لأن tu vas lire on expliquera après بسم الله الرحمن الرحيم من حيث المعنى فهنا قدر هذا الفعل متأخرا لفائدتين. Vous avez remarqué que Cheikh Ibn Uthaymeen il a pas dit أكل بسم الله. Je mange بسم الله. Là, il a fait passer le nom d'Allah avant. بسم الله أكل. Deux فوائد. Il va citer هنا قال الفائدة الأولى التبرك بالتقديم بسم الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى c'est الخالق جل وعلا. فمن باب التقدير والتعظيم on fait passer son nom avant Jalla wa'ala on dit Bismillah Aktub et كذلك c'est من باب التبرك والتبرك هنا c'est بمعنى الطلب البركة فle fait de dire Bismillah il y a une faïda azima c'est pour ça qu'on dit Bismillah avant de manger Bismillah ar-Rahman ar-Rahim quand on veut réciter le Coran وهكذا beaucoup de choses quand on commence on dit Bismillah les choses importantes que ce soit un dars ou autre Et al-fa'ida, c'est le tabarruk. Que Allah subhanahu wa ta'ala, il mette de la baraka, du khir dans ce que tu vas faire. Al-hada, ceux qui mangent sans dire bismillah, ou ils lisent sans dire bismillah, et ils ne font pas de zikr, tu trouves que kathir min a'malihim, il n'y a pas de baraka. Qala, wal-fa'ida tu thaniya, al-hasr. Deuxième fa'ida, al-hasr. Li'anna ta'khir al-amil yufid al-hasr. الحصر ça veut dire limiter quelque chose on dit حصار فهنا قال الحصر لأن تأخير العمل يفيد الحصر كأنك تقول لا أكل باسم أحد متبركا به ومستعينا به إلا بسم الله عز وجل le fait de le mettre après في العربية يفيد الحصر أي tu fais cette chose que pour Allah subhanahu wa ta'ala la akul bismi ahadin mutabarrikan bih illa Allah subhanahu wa ta'ala on dit bismillah akul bismillah aqra ay tu demandes l'aide et t'espères le baraka min Allah li anna et huna on précise et c'est important pour comprendre anna qawl qawl Allah azza wa jal bismillah rahman rahim al ba que tu as devant ism, bismi, alba, c'est l'ilistiana. Bismillahir Rahmanir Rahim, c'est kalimatu isti'ana, et c'est une demande d'aide. Ka'annaka taqul astaeenu billahi 'azza wa jalla. Je demande l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah c'est qui? C'est Ar-Rahman Ar-Rahim. Hadha al-ma'na min hayth al-jumla. Quand tu dis Bismillahir Rahmanir Rahim, ay astaeenu billah. Je demande l'aide à Allah. Limada? Qui c'est qui t'a donné cette force pour manger? C'est Allah. Qui c'est qui t'a wafak pour ouvrir ce livre? C'est Allah. Anta tu dis Bismillah. Aïe, asta'inu billahi azza wa jal. Kadhalik, c'est min bab al-tabarruk. Annaka, tu espères, après avoir prononcé hadhihi al-kalima, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, que Allah subhanahu wa ta'ala, il descende de la baraka sur cette nourriture, ou sur cette lecture, ou sur cette action. والبركة سي الخير وعلى العلماء يعرفون البركة بقولهم ثبوت الخير الإلهي في الشيء أي سك الله سبحانه وتعالى يمد du خير dans une chose de la baraka. Ça peut être الخير من حيث الكثرة en abondance, ça teste vide. Ça peut être الخير من حيث النفع, tu vas profiter, ça peut être bénéfique pour toi. Comme les gens font des choses, il n'y a aucune baraka. Il mange, ça lui fait du mal. Il lit, ça lui fait du mal. Ça l'éloigne encore plus. L'imana, l'annahu, il n'y a pas de baraka. Le muslim, da'iman, yasta'inu billah. C'est pour ça que beaucoup de ibadat, ça commence par bismillah. Ou du dhikr. Qala, wa qaddarnahu fi'lan. Pourquoi Allah, ou pourquoi, na'am, al-ulama, ils disent que at-taqdir, il est après. Al-jar wa al-majrur, bismillah, akul. On a dit premièrement al-tabarruk, deuxièmement al-hasr. Al-tabarruk, c'est demande de baraka, et du khayr. Ou al-hasr, c'est que cette demande, c'est que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu demandes de l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala dans cette chose que tu vas faire. Al-an, pourquoi al-ulama, ils l'ont qaddar en tant que fi'l. Akul, aqra, c'est un fi'l, c'est un verbe. كذلك يدفع وائد قال لأن الأصل في العمل الأفعال وهذه يعرفها أهل النحو ولهذا لا تعمل الأسماء إلا بالشرط لأن الأصل في العمل la base dans العمل c'est الأفعال c'est l'action وهذا في الحقيقة c'est un كلام pour أهل النحو أو celui qui le comprendra c'est celui qui a étudié cette matière فلهذا قال ولهذا لا تعمل الأسماء إلا بالشرط. الأسماء في اللغة العربية لا تعمل إلا بشرط أو إلا بشروط sauf avec des conditions. أما الأفعال فتعمل. Et tout ça, on le délaisse pour d'autres دروس في النحو, la grammaire. قال وقدرناه مناسبا. مناسبا أي une chose qui est liée avec ce que tu vas faire. مثلا بسم الله أقرأ. Pourquoi on a قدر القراءة? Parce que tu vas lire. Si tu vas manger, ça sera bismillah akul. Si tu vas boire, ça sera bismillah ashrub. Hada c'est wadih. لأنه أدل على المقصود ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم ومن كان لم يذبح فليذبح بسم الله أو قال على اسم الله فخص الفعل. نعم فخص الفعل. Il a cité ce hadith, Cheikh Ibn Uthaymeen, pour démontrer أن النبي صلى الله عليه وسلم il a cité un فعل فليذبح. Et qu'il sacrifie bismillah. Là, on répète, c'est beaucoup lié à la grammaire. Enfin, ceux qui n'ont pas compris hada, al-amr sahl. L'essentiel, c'est de comprendre al-ma'na que Cheikh Ibn Uthaymeen il va citer là. Qala wallahi ismu Allah rabbul alamin la yusamma bihi ghayruh wa huwa aslu al-asma' wa li hadha ta'ti al-asma' tabi'atun lah qawluhu Bismillah. Il explique l'un l'afdul jalala. C'est ismu al-rab subhanahu wa ta'ala. Et c'est l'ism al-a'zam ala al-sahih. Wa hadha l'ism, ma'na, il est mouchtaq mina al-uluhiyya. Fa Allah subhanahu wa ta'ala, tu comprends min hadha l'ism al-azim, annahu c'est le mustahiq lil-ibadah. Chaque nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, il renferme un attribut parfait. On verra, Inch'Allah, Ar-Rahman, ça englobe l'attribut de Rahma. Ar-Rahim, ça englobe kadhalik l'attribut de Rahma. Al-Qawi, ça englobe l'attribut de Al-Quwwa, Al-Aziz, Al-Izza, wa hakadha. Tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est des noms parfaits, ils englobent des attributs parfaits. Allah, هذا اللفظ اسم الجلالة بمعنى ذو الألوهية أي celui qui mérite l'adoration. جاء أثر عن ابن عباس لكن il est ضعيف. قال أو روي عنه رضي الله عنهما الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين لكن في السند ضعف لكن المعنى الصحيح الطيبة الله سبحانه وتعالى ذو الألوهية c'est celui qui mérite l'adoration. Enfin, quand on dit Bismillahir Rahmanir Rahim, awwalan, c'est une demande d'aide, kalimatu isti'ana, donc c'est une adoration. Thaniyan, si tu as compris هذه اللفظة, faqat ce nom Allah, ça doit nous écarter du shirk. Allah, c'est qui, subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui mérite l'adoration. Dhul uluhiyya wal ubudiyya, ça se ressemble, l'uluhiyya wal ubudiyya, l'adoration. على خلقه أجمعين. Tout le monde doit l'adorer. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبادة n'est pas خاصة pour les musulmans. Elle n'est pas خاصة pour un peuple, pour une origine. Allah il a créé les êtres humains et les djinns que pour هذا. قال لا يسمى به غيره. بعض الأسماء خاصة بالله. On n'a pas le droit d'appeler un autre avec certains noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min hadhihi al-asma Allah. Hala c'est haram et c'est très très grave. Walillahi alhamd. Personne ou la na'lam ahadan qui se fait appeler Allah ou les gens ils l'appellent Allah. Hala c'est khasun billahi subhanahu wa ta'ala. Qal wa huwa aslu al-asma wa li hadha ta'ti al-asma tabi'atun lah. مثل هنا في البسملة. وَلِهَذَا تَأْتِي الْأَسْمَى تَابِعَةٌ لَهُ. Dans beaucoup de versets, tu trouveras que le premier nom qui est cité, c'est Allah. ثُمَّ des autres noms. Comme dans ce verset, مِنْ سُورَةَ الْبَسْمَلَ. On verra, est-ce que ça fait partie de السورة أم لا. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. Vous avez remarqué que le premier nom qui est cité, c'est Allah. بِسْمِ اللَّهِ. ثُمَّ des autres noms. الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. Et tous les noms, ils suivent ce nom. C'est pour ça que القول الصحيح أن الاسم الأعظم سأ الله. Tous les noms qui viennent, ils suivent هذا الاسم. قال عز وجل قل هو الله أحد. الله الصمد. C'est des noms الصمد, الأحد. C'est cité après لفظ الجلالة الله. Et beaucoup d'exemples في القرآن الكريم. والرحمن أي ذو الرحمة الواسعة. ولهذا جاء على وزن فعلان مثل غضبان. عطشان. العطشان c'est celui qui a beaucoup soif, qui a très soif. C'est على وزن فعلان. هذا الوزن en langue arabe, et ça c'est من علم الصرف, أن les noms arabes ils sont basés sur des أوزان. فاعل, مفعول, فعلان. Et connaître ces أوزان c'est important. لماذا؟ لأن ces أوزان elles ont une signification. فمثلا وزن فعلان c'est un wazn qui montre le mubalagha ou le kathra. Fa'lan. Quand tu as un mot en arabe, ala hada wazn, mit le ghadban. Quelqu'un qui est très en colère, mit l'atchan, il a très soif. Rahman, c'est dans notre cas, Allah subhanahu wa ta'ala, sa rahma est wasi'a. Et elle englobe tout. Sa rahma azza wa jal. Alladhi yadul ala sa'a. Et sa rahma, elle est vaste, elle englobe tout, subhanahu wa ta'ala. قال والرحيم أي الموصل للرحمة من يشاء من عباده ولهذا جاءت على وزن فعيل الدال على وقوع الفعل. Deuxième وزن فعيل comme رحيم. Ça montre que ce فعل قال الدال على وقوع الفعل, que cette action elle s'est faite. فالرحيم c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il va arham qui il veut. Yarham yasha. Il fait miséricorde à qui il veut. C'est une action. Ar-Rahman, Allah subhanahu wa ta'ala, sa rahma englobe tout. Ay, muttasifun bi sifat ar-Rahman. Ay, parmi ses attributs, ar-Rahman. Et bien, hada, tu vas comprendre al-farq, s'ils sont cités les deux. Ar-Rahman, ar-Rahim. Qala Ibn Uthaymeen. Fahuna, rahmatun hiya sifatuh. Hadihi dalla alayha ar-Rahman. La règle, on la répète, en a chaque nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, il englobe un attribut parfait. Huna, on a deux noms. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Les deux, ils englobent sifat Ar-Rahman. Lakin, il y a une différence, min hayth al-ma'na. Au niveau du sens, il y a une différence. Ar-Rahman, ay Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ses attributs, Ar-Rahman, la miséricorde. قال ورحمة هي فعله أي إيصال الرحمة إلى المرحوم دل عليها الرحيم الرحيم كذلك سأنقلب صفة الرحمة لكن سينكس فالله سبحانه وتعالى إلى صفة الرحمة c'est l'explication du nom الرحمن كذلك الله سبحانه وتعالى يرحم من يشاء أي فعل من صفة الأفعال الله سبحانه وتعالى يرحم المؤمنين يرحم الأولاد يرحم البهائم يرحم من يشاء عز وجل في ميزيريكورد à qui il veut c'est un fi'l هذا cette explication c'est quand les deux noms ils sont cités dans un même texte مثل هنا بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن c'est الرحمة التي هي صفته et الرحيم c'est الرحمة الفعل لكن quand الرحمن il est cité tout seul ce nom ou الرحيم il est cité tout seul ça englobe l'autre أي الله إلى صفة الرحمة إي في ميزيريكورد أكي إلفو قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه وهو من أحسن من فصل في هذه المسألة أي c'est quoi la différence entre اسم الرحمن واسم الرحيم il n'y a pas de différence quand واحد il est cité seul مثلا قول الله عز وجل الرحمن سورة الرحمن فالله سبحانه وتعالى قال الرحمن فلا شك أنه c'est celui qui possède صفة الرحمة et كذلك il fait الرحمة à qui il veut عز وجل الرحيم la même chose quand il est cité seul لكن quand ils sont cités les deux il y a une différence et on a déjà vu cette مسألة مع بعضكم quand on a étudié حديث جبريل عليه السلام sur مراتب الدين الإسلام والإيمان والإحسان L'islam ou l'iman, quand ils sont cités dans un texte, ils ont chacun un sens. Quand l'islam il est cité seul, il englobe l'iman. Quand l'iman est cité seul, ça englobe l'islam. Enfin, quand ils sont cités les deux, c'est quoi le sens de l'islam ? Indaman. Al-a'mal al-zahira. Al-islam. Quand il est cité avec l'iman. Et arkan al-islam, comme c'est cité dans le hadith Umar, radiyallahu anhu. قصة جبريل عليه السلام. C'est quoi l'islam? النبي صلى الله عليه وسلم il a cité les cinq piliers de l'islam. Et tu remarqueras que c'est avec la langue, avec salat, avec les membres, الحج, الزكاة, الصيام. الإيمان quand il est cité avec l'islam comme dans hadith جبريل بمعنى أحسنت أعمال القلوب أي les actes du cœur. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره. Quand ils sont cités dans le même texte. Amma, si un des deux noms il est cité seul, mitla qawlillahi azza wa jal, inna ad-din 'indallahi al-islam. Al-islam il est cité seul là. Est-ce que ça englobe l'iman? Hein? Non. La shakka anna min dinillahi azza wa jal, c'est de croire en Allah subhanahu wa ta'ala, les malaika, les kutub, les rusul ila akhir. Ça englobe tout. Et كذلك quand l'iman il est sorti, il est cité seul. كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الإيمان بضع وستون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق لا شك أنه سينغلب جميع الدين الإيمان إلى الستة توصل هنا سلام مشوز الرحمن الرحيم قال ابن القيم رحمه الله كما في البدائع بدائع الفوائد كذلك dans un livre qu'ils ont rassemblé التفسير القيم هذا c'est un tafsir ils ont rassemblé toutes les paroles d'Ibn al-Qayyim fi tafsir al-Qur'an et ils les ont rassemblées dans un tafsir wa illa Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi il a jamais écrit un tafsir lakin hada c'est un mu'allif il a rassemblé tous ces kalam qala ar-rahman dalun ala as-sifa al-qa'ima bihi 'azza wa jall comme il a dit Cheikh Nu'aym الصفة القائمة به أي الله سبحانه وتعالى من صفاته الرحمة أي يبسط هذه الصفة قال والرحيم منه صفة الرحمة المتعدية بآثارها إلى الخلق الرحيم هذه الصفة Allah subhanahu wa ta'ala, il va arham qui il veut, yarham man yasha. Et il y a une action. Fal makhlouq, il va en profiter. Mathalan, cette pluie. Mathalan, ce musulman qui était malade, qui est guéri. Mathalan, cette personne qui a été guidée, bi'idnillah. Tout ça, c'est min athar rahmatillahi jalla wa ala. Ça montre que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est rahim. Hada, c'est ça la différence. Ou, ahsan al-aqwal. Ba'd al-ulama, qalu, anna, la différence, c'est que, ar-Rahman, c'est pour al-mu'minin, ou l'aks, ou ar-Rahim, c'est pour tout le monde. Wa hada, hada, fihi nazar. Al-aqrab, c'est qawl ibn al-qayyim, rahmatullah alayhi, il est plus précis. Kadhalik, ba'dhum, ils ont dit ar-Rahman, c'est pour dunya, ou ar-Rahim, c'est pour l'akhira. وبعضهم يزون دي رحمن بجميع الخلق ورحيم خاص بالمؤمنين لا شك أن الله يرحم جميع الخلق حتى الكافر cette pluie الآن il est guéri et il est en bonne santé tout ça c'est من رحمة الله عز وجل لكن في الآخرة il profitera pas الكافر بعض العلماء يذكرون هذه الأقوال لكن الأقرب c'est قول ابن القيم رحمة الله عليه كالشيخ ابن عثيمين إلى السيتي هنا et ça Cette masala, inshallah, elle sera détaillée dans d'autres livres. قال والرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله يدلان على الذات وعلى صفة الرحمة وعلى الأثر أي الحكم الذي تقتضي هذه الصفة. Ces deux noms, اسمان من أسماء الله يدلان على الذات. Ces deux noms, c'est des noms d'Allah سبحانه وتعالى. Parmi ces noms, الرحمن الرحيم. وعلى صفة الرحمة كذلك quand tu entends ces noms tu comprends que Allah سبحانه وتعالى متصف بالرحمة من أين أخذنا هذا quand tu entends الرحمن tu sais que c'est un nom d'Allah ça c'est la première chose donc Allah سبحانه وتعالى parmi ces noms الرحمن كذلك quand tu entends الرحمن tu sais que Allah il a صفة الرحمة من أين أخذنا هذا تفضل أحسنت. On a cité la règle plusieurs fois. أن ما من اسم من أسماء الله عز وجل إلا وفيه صفة من صفاته جل وعلا. الرحمن. Tu comprends que il a صفة الرحمة. C'est pour ça que عز وجل il s'est nommé lui-même الرحمن. لماذا؟ لأنه il a صفة الرحمة. القوي. Tu comprends automatiquement أن له صفة القوة. العزيز صفة العزة. قال وعلى الأثر كذلك الأثر الأثر أي سيسكونا سيتي في معنى الرحيم قال أي الحكم الذي تقتضي هذه الصفة quand tu entends الرحمن الرحيم tu sais que cette pluie qui tombe c'est من رحمة الله عز وجل لأن الله c'est الرحيم et c'est lui qui بأمره عز وجل cette pluie elle descend فلان il est guidé c'est من رحمة الله عز وجل فالسيختان يا أثر كما on a vu مع بعض الإخوان في القاعدة المثلى أسماء متعدية أي أثر في المخلوق هنا عن إكزامبل هنا الرحيم قال والرحمة التي أثبتها الله لنفسه رحمة حقيقية دل عليها السمع والعقل رد على المحرفة الأشاعرة المبتدعة cette partie شيخ ابن عثيمين il nous a expliqué les noms الرحمن والرحيم brevement ثم الآن Il va faire une remarque pour démontrer à بعض أهل البدع والأهواء المحرفة الأشاعرة pour eux Allah subhanahu wa ta'ala il a pas صفة الرحمة pourquoi لأن الرحمة pour eux c'est une faiblesse quelqu'un qui fait miséricorde c'est qu'il a une faiblesse et Allah subhanahu wa ta'ala on peut pas le qualifier avec cette faiblesse et tout ça c'est من الهوى والبدع لأن الله عز وجل قال بسم الله الرحمن الرحيم فبوركو on dirait pas نحن كالله الى صفة الرحمة alors que lui-même il se l'est attribué لكن البدع بعض الناس يدلسوا للتكست et fonctionnent avec العقل et ils essayent de trouver des explications eux-mêmes et s'écartent de مذهب السلف et ils s'égarent خاصة في هذا الباب العظيم باب الصفات قال شيخ العثيمين دل عليها السمع والعقل السمع هنا سي القرآن والسنة السمع ici c'est le Coran ou le Sunnah l'aql c'est la raison donc sifatul rahma le Coran ou le Sunnah il nous prouve que Allah il a sifat al-rahma. Kadhalik la raison. Ça nous montre anna ahl al-bid'a. Même quand ils prétendent suivre la raison, fil haqiqa ils la contredisent. Les textes ils contredisent pas la raison. Abadan. Les textes authentiques ils contredisent pas la raison. La saine nature. La raison qui n'a pas été changée, qui n'a pas été troublée. Pourquoi les anna Allah azza wa jalla, c'est lui qui a créé le bashar et c'est lui qui a créé la raison et c'est lui qui a descendu les textes. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le hakim, il ne se contredit pas abadan. Lakin ba'da an-nas, vu qu'ils se sont écartés de la sunna, du Qur'an, du haq, leur raison, elle contredit les textes. Qala, amma as-sam'a, fa huwa ma ja'a fi al-kitab wa as-sunna min ithbat ar-rahma lillah wa huwa kathir jiddan. Et on a le premier verset, bismillah ar-rahman ar-rahim. Wa amma al-aql, la raison, fa kullu ma hasala min ni'mah أو اندفع من نقمة فهو من آثار رحمة الله. Tout ce qu'on voit الآن من نعم الله. Même si on prend n'importe quel مسلم عامي qui connaît pas le Coran ou le Sunna, on قدر مثلا un مسلم même le Fatiha il la connaît pas. Il connaît pas une preuve sur الرحمة. Même بسم الله الرحمن الرحيم. Si on lui demande toutes ces نعم الآن, cette pluie, cette nourriture, ces boissons, la bonne santé, tout ce qu'on vit ولله الحمد comme نعمة, ça vient d'où? Kadhalik, tout ce mal qui est repoussé, les maladies, etc., la pauvreté, Ba'danas, ils sont éprouvés, tout le monde, wallahi alhamd, ils trouvent une solution. Ha'oula, la shakana hada, c'est min athar rahmatillahi subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, karham su'abd. Il le guérit ou il le guide. Qala sur Mu'adhimin, hada waqad ankara qawmun. وصف الله تعالى بالرحمة الحقيقية وحرفوها إلى الإنعام أو إرادة الإنعام زعما منهم أن العقل يحيل أو يحيل وصف الله بذلك قالوا لأن الرحمة انعطاف ولين وخضوع ورقة وهذا لا يليق بالله عز وجل. هؤلاء comme on a déjà cité, ils ont délaissé les textes clairs. Combien de versets في القرآن الكريم Allah subhanahu wa ta'ala cite imma le nom ar-Rahman, imma le nom ar-Rahim, imma sifat ar-Rahman. Tu as beaucoup de versets, Yadabab. Tout ça, ils l'ont délaissé, ils ont dit là. Pourquoi? Li'anna ar-Rahma qalu in'itaf wa lin wa khudu'. Ar-Rahma, c'est, mathalan, on donne l'exemple, la mère avec l'enfant. Ahyanan, l'enfant, il fait une chose qui n'est pas tayyiba. Et la mère, tellement qu'elle a de la rahma pour lui. Peut-être qu'elle va le laisser faire cette chose. هذا معنى كلامه انعطاف ولين وخضوع. C'est ça الرحمة. C'est fondé sur la pitié, sur. فهم ils ont dit, on peut pas dire que Allah il a الرحمة. لأن الرحمة, la définition, c'est ce qu'il a cité l'Injil. Vous avez remarqué qu'ils se sont égarés. Pourquoi? عندما ils se sont égarés les mains là? Parce qu'ils ont réfléchi avec leur. نعم ils se sont égarés لماذا autre chose نعم لأنهم شبهوا الله بالمخلوق et ça c'est un bab très très dangereux في باب الصفات التمثيل. Vous avez remarqué que la rahma qu'ils ont cité c'est vrai cette définition لكن في المخلوق l'être humain نعم أحيانا t'as de la rahma et peut-être que tu vas délaisser un haq parce que tu as trop de rahma. Ça arrive dans le makhlouq. Amma fi haqqi Allah azza wa jalla abadan. Ils ont fait ressembler Allah à sa créature, sifat ar-rahma, de l'être humain, avec sifat ar-rahma, du créateur de Allah azza wa jalla. Ils n'ont pas réussi à comprendre. Ils ont dit Allah il n'a pas de rahma. Alors que al-mu'min, al-sunni, celui qui suit al-salaf, il a une aqida qui est fondée sur qawl Allah azza wa jalla, laysa kamithlihi shay'un. Il n'y a rien qui lui ressemble. Et c'est le Sami' et c'est le Basir. Vous avez remarqué que la plupart des créatures, êtres humains, animaux, ils ont As-Sam' ou Al-Basir. Les êtres humains, maintenant, la base, c'est que tout le monde voit et entend. Sauf certains. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a rien qui lui ressemble. Et dans le même verset, il a cité deux attributs que beaucoup de créatures, elles ont. Pourquoi? Pour te montrer, elle n'a même Si un bachar matalan il a sifat al-sam', ça ne sera pas comme le sam' d'Allah subhanahu wa ta'ala. Abadan. Allah qal laysa ka mithlihi shay. Enfin, pourquoi faire ressembler la rahma d'Allah avec la rahma de la créature? Si la créature a de la rahma, de la miséricorde, et c'est des faiblesses, il a akhri, ça ne veut pas dire que Allah subhanahu wa ta'ala c'est la même chose, iyadun billah. Ben, nous on dit Allah il a sifat al-rahma et sa rahma elle est parfaite. Il n'y a aucune faiblesse, il n'y a aucun manque, il n'y a aucun défaut. قال شيخ ابن عثيمين والرد عليهم من وجهين. On répond à هؤلاء الأشاعرة المحرفة من وجهين. Avec deux points. الوجه الأول منع أن يكون في الرحمة خضوع وانكسار ورقة لأننا نجد من الملوك الأقوياء رحمة دون أن يكون منهم خضوع ورقة وانكسار. Premièrement, c'est pas tous les êtres humains qu'ils ont des faiblesses par rapport à Rahma. On a donné l'exemple de la mer, ça arrive. Amma, Cheikh Ibn Uthaymeen, là c'est un exemple, Ba'd al-Mulouk. Certains rois, ils ont de la Rahma. C'est pas par peur d'un tel ou par faiblesse. Là, l'Amna, c'est le roi. C'est le gouverneur. Il doit rien à un tel, lakin, il lui fait Ar-Rahma min Bab al-Ihsan. Donc, awwalan, hada, c'est pas pour toutes les créatures. Donc, leur mubda, leur fondement, il est bâti. ثانيا الوجه الثاني أنه لو كان هذا من لوازم الرحمة ومقتضياتها فإنما هي رحمة المخلوق. Même si on dit que la rahma des êtres humains elle est fondée sur la faiblesse etc. Tous les êtres humains, ça ne veut pas dire que Allah c'est pareil. Il y a une différence entre le khaliq et le makhlouq. Pourquoi faire cette comparaison alors que Allah il nous l'a interdit. ليس كمثله شيء. Rien ne lui ressemble. عز وجل. أما رحمة الخالق سبحانه وتعالى فهي تليق بعظمته وجلاله وسلطانه ولا تقتضي نقصا بوجه من الوجوه. C'est une règle que Cheikh Ibn Uthaymeen il a cité في القاعدة المثلى. أن tous ces attributs سبحانه وتعالى جميع الصفات c'est صفات كمال. Il n'y a aucun نقص, aucun عيب, aucune imperfection, aucun manque. Allah il est parfait. Ces noms ils sont parfaits, ces attributs sont parfaits, Jalla wa Ala. Thumma naqul inna al-aql yadull ala thubut ar-rahma al-haqiqiyya lillah 'azza wa jalla. Cheikh Ibn Uthaymeen conclut anna hatta al-aql, lianna ha'ula'i prétendent suivre la raison. Ils disent que la raison elle accepte pas hada. Cheikh Ibn Uthaymeen va démontrer anna même la raison elle montre que Allah il a sifat ar-rahma. قال إن العقل يدل على ثبوت الرحمة الحقيقية لله عز وجل فإنما نشاهده في المخلوقات من الرحمة بينها يدل على رحمة الله عز وجل ولأن الرحمة كمال والله أحق بالكمال. نعم الرحمة في البشر سي كمال. Quelqu'un qui a de la rahma c'est une bonne caractéristique. الله سبحانه وتعالى il est أحق بهذا الكمال. Et bien sûr, on a des preuves dans le Coran ou dans la Sunna. Wallahu ahaqqu bil kamal, thumma inna ma nushahiduhu min ar-rahma allati yahtassu Allahu biha ka inzal al-matar wa izalat al-jadb wa ma ashbaha dhalik yadullu ala rahmatillah. Prends l'exemple de la pluie. Min ayn hadha al-matar? Min ayn? La shak anna c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé cette pluie et c'est une rahma pour les ibad. Tu trouves, Anna, dans certains pays, ils n'ont pas eu de la pluie pendant longtemps. Et ils sont fichés d'awadhiq. Thumma, quand la pluie, elle descend, tu sens que c'est min rahmatillahi azza wa jalla. Hatta tu demandes à n'importe quel musulman, il te dit alhamdulillah. C'est min rahmatillahi azza wa jalla. C'est clair. Donc la raison, elle ne contredit pas hada. Qala, huwa al-ajab. أن منكري وصف الله بالرحمة الحقيقية بحجة أن العقل لا يدل عليها أو أنه يحيلها قد أثبتوا لله إرادة حقيقية بحجة عقلية أخفى من الحجة العقلية على رحمة الله. أي أن هؤلاء الأشاعرة لأن ceux qui rejettent certaines صفات en prétendant suivre la raison c'est الأشاعرة. Et Inch'Allah Ta'ala, on étudiera bientôt cette secte dans notre cours du dimanche. Fahaoula, c'est min ashaddi nas tanaqudan. Ils se contredisent, da'iman, dans ce bab. Fahmathalan, ils acceptent certains attributs. Parmi les attributs qu'ils acceptent, as-sam'u wal-basar. An-Allah, il voit, Azza wa Jalla, il entend. Ils acceptent. Summa ar-Rahma, ils n'acceptent pas. Kadhalik al-Irada. Cheikh Ibn Uthaymeen, il a cité l'exemple de l'Irada. Et la volonté. Si on prend l'exemple de Sama, si on explique Sama comme ceux des êtres humains, on va dire que l'être humain, sa vue, elle n'est pas parfaite. À une certaine distance, tu n'arrives plus à voir. À partir d'un certain âge, ta vue, elle faiblit. Wahakada, beaucoup de choses. Kadhalik l'ouïe. Si tout le monde parle en même temps, tu n'entends plus. À un certain âge, tu entends mal. À une certaine distance, tu n'entends plus. Est-ce qu'on va dire il y a des imperfections, donc on dit que Allah il n'a pas de sam'a, pas de basar? Là, فالأشعري يدين عن الله لا السمع والبصر. Pourquoi? لأن الله il est parfait. On lui répond, pourquoi avec Ar-Rahma tu fais pas la même chose? On a les imperfections, c'est fibab au selil makhlou, et Allah il est parfait. Il n'y a aucune contradiction. كذلك صفات الحياة يثبتونها. أن الله c'est le hay, il est vivant, il a l'attribut de la vie. L'être humain كذلك, il a l'attribut de la vie. لكن cette vie, il y a des imperfections. Awalan, elle est masbouqa bi al-adam, elle est précédée par le néant. C'est Allah qui t'a créé, t'étais rien. Kadhalik, chaque être humain mourra. Kadhalik, cette vie, il y a des hauts, il y a des bas. Ahyanan, t'es en bonne santé. Ahyanan, t'es malade. Ahyanan, t'as des faiblesses. Est-ce qu'on va dire Allah, il n'a pas l'attribut de la vie? Iyadan billah, là. Al-Ash'ari, il dit qu'il a l'attribut de la vie. Si tu lui fais cette comparaison, il va te dire, mais la vie d'Allah, elle est parfaite. On lui dit, la rahma d'Allah, elle est parfaite. Antahina. لكن ils ont du tanaqud, certains sifat ils les ont acceptés, d'autres ils les ont rejetés. قال شيخ العظيم قد اثبتوا لله اراده حقيقيه بحجه عقليه اخفى من الحجه العقليه على رحمه الله حيث قالوا ان التخصيص بعض المخلوقات بما تتميز به يدل عقلا على الاراده. اي un seul مثلا il est riche, un tel il est pauvre, ça montre que Allah il a sifat l'irada. Allah il a voulu que un tel il soit riche et Allah il a voulu qu'un tel soit pauvre. Ça montre que Allah il a l'irada, il fait ce qu'il veut. قال ولا شك ان هذا صحيح. الاشاعره ils ont dit هذا. Il a shak que c'est صحيح. Ça montre que Allah il a l'irada. Aïe, c'est une hujja aqliya. La raison elle le prouve bien sûr avec les textes. ولكنه بالنسبة لدلالة آثار رحمة الله عليها أخفى بكثير لأنه لا يتفطن له إلا أهل النباهة. لكن cet exemple avec الإرادة tu trouveras que كثير من الناس ils ne le comprendront pas, خاصة من العوام. Personne qui n'a pas étudié, peut-être qu'il ne va pas comprendre ce kalam avec l'irada. Si tu lui cites tout ça, Robama ne comprendra pas. Pourtant, Al-Ash'ari, ils ont dit, la raison, elle le prouve. On revient à Ar-Rahma. قال ولكنه بالنسبة لدلالة آثار الرحمة عليها أخفى بكثير لأنه لا يتفطن له إلا أهل النباهة وأما آثار الرحمة فيعرفها حتى العوام. أما الرحمة مما عمي, si tu lui expliques avec la raison, il comprendra. Contrairement à l'irada. Pourquoi ils ont dit que l'irada, l'irada, la volonté, la raison, elle l'accepte, elle le prouve, et الرحمة là, c'est pour ça qu'ils l'ont rejeté. Ça montre qu'ils se contredisent. قال شيخ ابن عثيمين فإنك لو سألت عاميا صباح ليلة المطر. Si tu demandes à un ami من المسلمين qui n'a pas de ilm, tu lui demandes le matin après que مثلا, la nuit, la pluie elle est tombée. Enfin, tu lui demandes le matin. بما مطرنا بما مطرنا. Et cette pluie elle vient d'où? Qu'est-ce qu'il va répondre? لقال بفضل الله ورحمته. C'est quoi qui le pousse à hada? C'est sa fitra, sa raison. Même s'il ne connaît pas les textes. Amma l'irada là. Ami, le mot irada, Rabbama, il ne le comprend pas. Enfin, pourquoi, malgré tout cela, ils ont accepté l'irada, ils ont rejeté la rahma, alors que la rahma, avec la raison, c'est plus facile à comprendre. Hada khulasat kalam Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayhi. Et le prochain dars, ça sera plus simple. Le premier dars, fi tafsir surat al-Fatiha de Cheikh Ibn Uthaymeen. Il est un peu compliqué, mais il y a l'aq bin nahou et des règles fausses que certains frères n'ont pas vues. Ça peut être compliqué pour certains, mais le reste, ça sera beaucoup plus simple. Et ceux qui n'ont pas compris, le prochain dars, inshallah, on expliquera akthar. Pour si ce n'est pas compris. Révisez hadha al-kalam, il est tayyib. On résume, anna ma'na bismillahir rahmanir rahim, et c'est ça l'essentiel. C'est que هذه الكلمة c'est كلمة استعانة. Quand tu dis Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, et tu demandes de l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala. كذلك tu la prononces min bab al-tabarruk. Et en la prononçant avant de faire quelque chose, Allah subhanahu wa ta'ala, il mettra de la baraka dans cette chose. Bi-idnihi azza wa jal. On dit Bismillah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui mérite l'adoration. Et parmi ces noms, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Hada, c'est ça, al-ma'na. Au début, quand on lit surat al-Fatiha, on dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ay isti'ana billah. On demande de l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala, on va lire. On place notre confiance en lui et on espère le khayr. Thumma tu récites Alhamdulillah Rabbil Alamin ila akhir. Il y a des tafsirs plus simples, lakin c'est tayyib de faire ce genre de livre, ça va t'aider. Ça va t'aider. Akthar, quwwat Cheikh Ibn Uthaymeen, tastafid minha, que ce soit fil lugha, que ce soit fil usul, fil qawa'id. Tu profites anta. En faisant des efforts, bien sûr. Naktafi bihada. Walhamdulillah. Entabihou les livres avec vos pieds. Narawa al-Ikhwan. Quand vous avez des livres devant vous, vous êtes assis, entabihou. Ces livres, il y a des versets du Coran al-Karim, il y a des hadiths du Prophète sallam. Min al-adab, c'est qu'on ne les touche pas avec nos pieds. Et kadhalik, ne pas, quand on marche, ne pas passer au-dessus des livres. Là, si tu marches et il y a un livre devant toi, que ce soit au masjid, ou chez toi, ou dans une assise, tu passes pas au-dessus du livre. Là. لأن الله عز وجل يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ففي هذا الحال أولا un livre on le pose pas par terre, surtout si il y a des enfants qui jouent ou des personnes qui passent, le livre peut se faire écraser, on fait attention. أما si alhamdulillah il risque pas de se faire écraser, il n'y a aucun mal. Et s'il est par terre et on marche, quand tu arrives devant le livre, tu enlèves le livre. Donc là, tu passes et tu remets le livre à sa place. Et encore plus avec le mushaf. C'est pour ça que avoir des endroits pour les livres, c'est muhim. Surtout quand il y a des enfants. Et là, c'est des livres de din. Et il y a des versets, des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avec vos pieds, vous mettez Al-Kitab loin de vos pieds.